Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 30 août. En voici la charpente. Célébration ce 30 août de la Journée internationale des personnes disparues, l'Association de défense des droits de l'homme APRODH parle de 2000 cas de disparition alors que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH en reconnaît 19 pour l'année 2015. Aucun camionneur n'est désormais autorisé à passer la nuit dans le parking de la gare routière située dans le quartier asiatique de la commune urbaine de Moukaz. À la mise en garde du directeur général des services municipaux s'est ému. C'est après que des camionneurs tanzaniens aient été chassés ce samedi au parking de la gare routière. L'usine de transformation des tomates de la province Chibitoke pourra bientôt fonctionner. L'annonce est du chargé de la transformation agroalimentaire au sein de la Confédération des associations des producteurs agricoles CAPAD. Vous l'entendrez dans ce journal. En Somalie, 5 personnes sont mortes dans l'après-midi de ce mardi dans un attentat suicide contre un hôtel de la capitale Mogadiscio. Vous aurez les détails dans ce journal présenté par Mireille Kanyange. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana. Bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir, page droits de l'homme pour débuter ce journal. Célébration ce 30 août de la Journée internationale des personnes disparues. Et à la APRODH, on indique qu'aucun jour ne passe sans qu'il y ait une disparition au Burundi et les associations de défense des droits de l'homme ne sont pas en mesure de retrouver les disparus. À l'annonce de Pierre Clavé en Bonima, président de l'association de défense des droits de l'homme APRODH, il ajoute que certains membres des institutions et des groupes armés sont derrière ces disparitions. D'après les rapports qu'il reçoit, je vous prie de le suivre. Le Burundi, je crois que aujourd'hui le Burundi n'est pas le devant et à ce qui concerne les disparitions forcées. Jusqu'aujourd'hui, je dis au Burundi que c'est très alarmant parce que après les doléances que nous recevons avec des rapports que nous recevons quotidiennement, je peux dire que nous avons un chiffre plus de 2000 personnes dont nous ne savons pas les destinations. Soit ils ont été tués, ou bien ils sont dans des cachots clandestins, mais ils ne sont pas dans les prisons parce que nous avons vérifié. Est-ce que vous avez été à mesure de vérifier si ce sont les institutions qui sont derrière ces enlèvements ou disparitions? Oui, écoutez, avec ces disparitions, nous faisons des vérifications. En général, ce sont les forces de l'ordre, les forces de sécurité qui commettent ces forfaits. Quelle serait la place des groupes armés dans ces enlèvements ou disparitions? Nous parlons pour tout le monde. Les groupes armés aussi, même il y a des opposants, c'est vrai, qu'il faut commettre des enlèvements. Mais en grande partie, même s'il y a des groupes armés qui ont commis des forfaits, il y a le gouvernement qui est le premier responsable qui est là, qui doit répondre à tout. C'est le gouvernement, le pouvoir qui doit combattre sur les groupes armés qui existent. À ce moment, s'ils ne sont pas en mesure, le gouvernement n'est pas en mesure de protéger la population. De toutes les façons, la responsabilité incombe au gouvernement qui n'est pas en mesure de protéger son peuple. Pierre Claver, en Bonima, président de la APRODH, répondait aux questions d'Alida Ndaikeza. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme évoque 19 cas de disparition pour l'année 2015. D'autres cas non encore précisés sont encore en train d'être étudiés selon le président de la CNDH, Jean-Baptiste Baribonekeza. Il dit que pour l'année en cours, les tendances sont à la baisse. Suivez. On a déjà signalé dans notre rapport annuel, par exemple, de 2015, où on avait relevé 19 cas qui pouvaient être interprétés comme des cas soit d'enlèvement ou de disparition forcée. Et je tiens évidemment à signaler qu'on parle de disparition forcée et seulement dans les cas où la main de l'État est visible. Ça veut dire qu'il y a un agent de l'État agissant en cette qualité. Alors, la tendance, évidemment, est à la baisse pour l'année 2016, mais il est clair, évidemment, que des cas d'enlèvement continuent à être observés. Et nous sommes saisis dans ce nombre de cas cas déjà sur lesquels nous sommes en train d'enquêter avant de pouvoir tirer les conclusions qui s'imposent. Est-ce qu'il y en a qui sont retrouvés? Oui, alors ça arrive. On a le cas, par exemple, de trois enfants du village de Mugoboka, non loin de la ville de Bujumbura. Ces enfants étaient portés disparus. On s'est rendu compte qu'il y avait un groupe d'individus qui les avait fait disparaître dans l'intention de rançonner la famille. Finalement, ces enfants ont été retrouvés en vie. Dans d'autres cas, ça arrive que des personnes qui ont des problèmes d'intérêt privé qui veulent les régler entre eux. Donc, pour des cas de règlement de compte, des individus puissent organiser l'enlèvement d'une personne. C'est très important d'avoir l'information sur la disparition de la personne dans les meilleurs délais. Ça permet en fait de déployer nos mécanismes d'enquête, d'interpeller tous ceux qui doivent l'être afin de pouvoir retrouver la personne en vie et possiblement traduire les auteurs en justice. Jean-Baptiste Barimonekeza fait savoir en outre qu'il n'y a pas encore eu de preuves qui montrent que des éléments des forces de l'ordre trempent dans ces disparitions. Nous avons reçu ces rapports, effectivement. Certaines informations nous viennent de personnes qui nous saisissent et parfois elles proviennent de certaines organisations. Et nous considérons que c'est des informations qu'on peut vérifier. C'est vrai que malheureusement, certaines informations sont parfois non vérifiables, simplement parce qu'elles ne reflètent pas tous les détails concernant, par exemple, l'identité des auteurs ou bien les circonstances de la disparition. Ce que nous faisons, c'est de considérer toutes ces enquêtes comme évidemment des informations qu'il faut prendre au sérieux et ensuite, approfondir les enquêtes pour pouvoir identifier les auteurs. Parce que c'est l'identification des auteurs qui finalement nous permet de pouvoir saisir le parquet et avec des informations précises qui permettent à la personne inculpée de pouvoir se défendre devant un juge. Nous en appelons évidemment à tous les autres intervenants, que ce soit les organisations de défense des droits de l'homme ou bien les familles des concernés ou les individus, de nous saisir chaque fois qu'ils ont une information relative à quelqu'un qui serait responsable d'un cas d'enlèvement, afin que nous puissions non seulement approfondir les enquêtes, mais aussi et surtout s'assurer que ces personnes sont effectivement traduites en justice. Jean-Baptiste Barimonekeza, c'est le président de la CNDH. Il a été joint au téléphone par Léonce Vitario. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal. Aucun camionneur n'est désormais autorisé à passer la nuit dans le parking de la gare routière située dans le quartier asiatique de la commune urbaine de Mukaza. La mise en garde du directeur général des services municipaux s'est émue après que des camionneurs tanzaniens aient été chassés ce samedi du parking de la gare routière. Ces chauffeurs demandent que le déchargement se fasse rapidement pour qu'ils regagnent leur pays sans perdre du temps. Détails avec Placide Nyomungere. Ces conducteurs de camions type remorque en provenance de la Tanzanie indiquent qu'ils se sont vus chasser par la police de la clôture de la gare routière sise au quartier asiatique, un trésor réservé aux services techniques municipaux. Cette mesure les interdit de passer la nuit dans leur camion et les oblige de passer la nuit ailleurs. D'habitude, si nous assurons son transport avec ces camions, ces derniers nous servent de lit et de domicile. Si on nous interdit de ne plus s'endormir dans ces derniers et passer la nuit dans les hôtels, alors que nos patrons peuvent passer 4 à 5 jours sans toutefois arriver ici. Où est-ce que nous allons trouver ces frais de logement? Si je m'endors dans ce camion, c'est pour la sécurité de mon camion et les produits qui restent encore à ma possession parce que je n'ai pas encore livré. Cette décision n'est pas du tout nouvelle, elle date de longtemps. Ces propos sont du directeur général de CETEMU, Chiza Sadik, qui indique que ces camions contiennent des produits inflammables dont il faut une mesure pour éviter le danger. Mais c'est une décision que je ne dis pas très nouvelle, c'est une décision qui est très longtemps. Ici, on a remarqué, et avec cette habitude, et quand ils arrivent ici, ils commencent à faire la cuisine au-dessus des camions citernes, alors que ces camions sont très inflammables. Mais eux, ils ne sont pas conscients du danger qu'ils courent. Alors là, on doit quand même veiller à ce qu'il n'y ait aucun incident ici. Après une prise de contact de ce directeur général et ses camionneurs, ce mardi, ces derniers disent être consternés par cette mesure et certains pensent à ne plus revenir. Depuis que j'ai quitté la Tanzanie, je ne me suis pas préparé conséquemment. Je connaissais que je viens garer mon camion dans son parking, y passer la nuit et réaliser mes affaires jusqu'à ce que je regagne mon pays. Venir alors aujourd'hui et me dire qu'il est interdit de passer la nuit dans ces camions, ça m'a économiquement touché car je ne savais pas que je vais passer la nuit dans un hôtel. Où vais-je trouver cet argent? Certains parmi nous pensent alors ne plus revenir. Ces camionneurs tanzaniens demandent que le service de déchargement ne soit plus réticent afin qu'ils reboursent le chemin le plus tôt possible. Cette recommandation a été saluée par le directeur général de CTMU et compte aviser les déclarants et commerçants et tranquillise ces camionneurs que leurs engins et produits seront sécurisés. Merci à Placide. Niomungele, la Confédération des associations des producteurs agricoles CAPAD tranquillise les cultivateurs de tomates de la province Chibitoke que l'usine de transformation pourra bientôt fonctionner. Le chargé de la transformation agroalimentaire au sein de la CAPAD fait savoir que la première difficulté rencontrée est qu'elle avait signé un contrat avec une entreprise chinoise constatée inexistante par la suite. Nestor Ndaïze dit que la question sera bientôt résolue avec l'aide de la deuxième vice-présidence de la République. Suivez Nestor Ndaïze. La CAPAD a songé à mettre en place une unité de transformation de la tomate en province de Chibitoke. Malheureusement, nous avons d'abord signé les premiers contrats avec une entreprise chinoise qui nous avait promis de mettre en place une unité de transformation, de former nos jeunes locaux, techniciens. Mais malheureusement, à un certain moment, après la mise en place de cette unité, les techniciens chinois qui étaient venus pour l'implanter nous avaient demandé de retourner en Chine pour amener d'autres équipements afin de terminer le travail. Mais nous avons attendu leur retour en vain et nous avons envoyé une équipe technique de la CAPAD pour aller voir le problème qu'ils ont eu. À la grande surprise, nous avons trouvé que l'entreprise de la question n'existait plus. Enfin, nous avons pu trouver un expert italien qui a accepté d'amener d'autres équipements. Vers la fin, pendant les essais d'ailleurs, nous avons constaté que le courant que nous disposons au niveau de Chibitoke n'est pas suffisant pour faire tourner toutes les machines. Puis, le deuxième problème, c'est que pendant les essais, c'est le moment où notre pays a commencé à avoir des problèmes, je veux dire, sécuritaires. L'équipe en question a dû retourner chez elle. Nous avons aussi, pour le moment, essayé de travailler avec le gouvernement via son deuxième vice-présidence. Et actuellement, elle a déjà trouvé deux entreprises russes qui ont accepté de venir au Burundi pour continuer et achever le travail. Je vous dirais que nous partageons les mêmes inquiétudes avec ces producteurs. Nous allons essayer de travailler ensemble avec le gouvernement, avec nos membres de Chibitoke, mais aussi l'institution qui a octroyé ces crédits pour essayer de trouver la solution ensemble. D'ici peu, nous avons espoir que ça va marcher. Nestor Ndaïze de l'ACAPA de répondre aux questions d'Alain Désiré Bukeneza. En page gouvernance, adoption ce mardi du projet de loi portant modification de l'article 5 de la loi relative à l'organisation de la privatisation des entreprises à participation publique et ouvrages publics par l'Assemblée nationale. L'amendement de cet article a été motivé par le souci d'éviter le cumul du rôle de président et de vice-président du comité interministériel de privatisation. Comme il a expliqué aux députés, le ministre burundais des Finances a précisé que sans cet amendement, la question de privatisation reviendrait à un seul membre du gouvernement puisque ce département a été intégré au sein du ministère des Finances. Les détails avec Aubin Nyonguru. Le gouvernement a demandé l'amendement de l'article 5 de la loi régissant l'organisation de la privatisation des entreprises à participation publique et des ouvrages publics pour éviter le cumul des rôles du président et vice-président du comité interministériel de privatisation. L'occupation des deux postes par un seul membre du gouvernement est contraire à la volonté du législateur. Cette situation se présente ainsi puisque le département de privatisation est aujourd'hui intégré au ministère des Finances. Certains députés ont voulu savoir s'il y aura toujours des propositions d'amendement à chaque restructuration des ministères. L'honorable Bénigne Lourahinda est présidente de la commission chargée des questions de la bonne gouvernance. Monsieur le ministre, la modification de l'article 5 est visiblement dû au fait qu'il y a eu changement d'appellation des ministères ayant en charge l'organisation de la privatisation des entreprises à participation publique, des services et des ouvrages publics. Faudra-t-il toujours réviser les lois chaque fois qu'il y aura changement d'appellation des ministères concernés? Le député Pascal Nyabenda a répondu que cette recommandation ne devrait pas être proposée au gouvernement. Mais celui-ci devraient veiller à ce que certains départements ne soient pas dissociés de leur ministère. Ce projet de loi a été adopté par 95 députés. Aubin Niongrampage, Société Tout le Monde est invité à poser des actes concrets de charité et de miséricorde. La PL de l'abbé Désiré Ninina Hazoué, secrétaire général adjoint de Caritas Burundi, au moment où cette organisation portait assistance aux prisonniers de la prison centrale d'Omhimba l'après-midi de ce mardi, avec un don de vivre. Ce don était destiné aux plus vulnérables tels que les enfants d'un jour à 5 ans, les personnes âgées de plus de 60 ans, celles qui ont des problèmes mentaux, ainsi que des mineurs, suivait l'abbé Désiré Ninina Hazoué. Nous sommes venus en tant que Caritas parce que dans notre mission, nous devons servir, nous devons poser des actes concrets de charité. Et je précise aussi qu'en tant qu'institution de l'Église catholique, nous sommes dans l'année sainte de la miséricorde où le pape François nous invite à nous tous chrétiens et même aux non-chrétiens de poser des actes concrets de charité et de miséricorde. Et nous avons choisi cette date précise du 30 août parce que à la Caritas Burundi, il y a un événement important, le lancement du plan stratégique 2016-2019. Et nous avons voulu lier intégralement ce lancement, cette présentation du plan stratégique avec cet acte de charité. C'est plus un geste symbolique qu'une action caritative. Nous sommes venus avec des quantités juste pour 200 personnes. L'abbé Désiré Ninina Hazoué était au micro de Judas Ruberingabo. Page environnement de ce journal. Les feux de brousse ont déjà dévasté depuis ce lundi plus de 5 hectares de la forêt naturelle de la Kiwira en commune Ebouké de la province Muramvya. Les responsables administratifs de la commune Ebouké indiquent qu'ils ont engagé toute l'énergie pour éteindre ces feux. Également, plus de 60 hectares ont été dévastés par ces feux de brousse dans les communes Ebisoro et Gisozi en province Muaro. Selon le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage dans cette province, les détails avec Laurent Dicurillo. Depuis la journée de ce lundi, le feu dévaste une partie de la forêt de la Kibira située au-dessus des collines Rwansinda, Gashishima et Nyambo de la zone Busangana en commune de Bukeye de la province Muramvya. Les sources administratives dans cette commune indiquent que ce feu, qui n'avait pas encore été éteint jusqu'à la journée de ce mardi, a déjà ravagé environ 25 hectares de cette forêt de la Kiwira. D'après les mêmes sources, l'origine de ce feu n'est pas encore connue. Au cours de la journée de ce mardi, les responsables administratifs et policiers de la commune de Bukeye, accompagnés par les habitants de cette commune, ainsi que les gardes de forêt, étaient à l'œuvre pour éteindre ce feu. L'administration communale de Bukeye demande à la population de sa commune de donner l'information à temps pour que les malfaiteurs qui sont à l'origine de ces feux de brousse soient démasqués. Ces feux de brousse sont également signalés dans la province voisine de Muaro. Plus de 60 hectares ont été déjà dévastés par les feux de brousse dans les communes Gisozi et Bisoro dans cette province depuis une semaine. Ce lundi, ces feux de brousse ont dévasté une grande partie de la propriété de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Muaro, située à Ruyange, en commune Bisoro. Le hangar de la ferme a été complètement brûlé. D'après le directeur de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Muaro, François Ninéretse. Il regrette que la population des environs ne vient pas éteindre ces feux et signale que même la ferme de cette direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage risque un jour d'être emportée par ces feux de brousse. Muaro, Laurent Dicurio, Radio Isanganiro. Merci à Laurent Dicurio. Une brève internationale pour clore ce journal. En Somalie, au moins 5 personnes sont mortes dans un attentat suicide contre un hôtel de la capitale Mogadiscio. C'était l'après-midi de ce mardi. Une dizaine de personnes ont également été blessées dans cet attentat à la voiture piégée qui visait un hôtel très fréquenté de la capitale somalienne. Et l'attaque a été revendiquée par les Chebabs. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.